Elle disait qu'elle portait mon fils. Je l'ai baisé, je l'ai pris par le cul. Mes robes, mes négros pistés par l'optrice. Au téléphone, il parle plus. Si tu veux briller, faut les billets. Tu veux avancer, faut les quiller. Préviens tous tes potes, on vient casser les portes. On est venu les faire halluciner. La nouvelle génération déterminée, c'est la cause à la causa. Mais non, ça n'ont plus de respect. De nos jours, ils font tapiner Rosa. Je suis pété sous rosé. Big up à mes négros des rosiers. En boîte, on a collé la petite et faisait des manières, on a dû la virer. Tu veux savoir ce que mes pirates font aux filles? Demande à Sparrow. Je vais danser les boîtes de Marseille à Paris. J'y vais pas mollo. Le mourou, le mourou. T'as donné tes thunes au marabout. Demande à vieux hibou si tu veux de la frappe atomique, elle est chez nous. T'écoutes le son, ouais, tu te sens visé, mais c'est ta meuf qui est piquée. Marseille fait du sale, imbécile, redescend, on a rien à t'expliquer. J'envoie un texto, t'es liquidé. Pire qu'un missile, t'es liquidé. On investit des lieux pour clipper, t'as parlé, t'as pas vu mon final, t'as cliqué. Marseille, on t'es boule, purple et la couleur emballe tous tes dollars. Génération qui coupe des coupes à la cam et sont devenus insolents. Ne leur parle pas d'aller travailler en une journée, ils se font ton salaire. Génération périscope, mojito où les putes finissent les fesses à l'air. J'ai un drôle de caractère, je préfère tenter la volée plutôt que la mettre à terre. J't'ai aidé quand t'étais par terre, tu voulais le monopole mais sans passer les partiels. Excuse ami, j'ai pas le time, j'ai pas le temps de t'écouter, on sait que tu banaves, on sait que jamais toi tu partages. Comme mon drapeau rail, tu sais que j'suis partout. J'ai recherché le baril, je te présente une pute, tu veux te marier. Fous, on va te refouler, t'étais le sang dans la veine, tu nous l'as fait rouler. Ça m'en avait tout l'air, mais n'essaie pas de m'endormir, là t'as fumé tout l'air. Demande à Y, elle chez nous c'est l'insomnie, on vient de Herbel, donc on est des insoumis. T'écoutes le son, ouais, tu te sens visé, mais c'est ta meuf qui est piquée. Marseille fait du sale, imbécile, redescend, on a rien à t'expliquer. J'envoie un texto, t'es liquidé. Pire qu'un missile, t'es liquidé. On investit des lieux pour clipper, t'as parlé, t'as pas vu mon final, t'as cliqué. T'as cliqué, t'as cliqué. Les barigots descendent sur Marseille pour fumer ce qu'on appelle de la moula. Tes potes font les marques par ici, si tu fais le move tu te mangerais un moulon. Je me balade en survêt de l'OM sur les champs, ouais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a. Je me fais accoster par des petites parisiennes, elles kiffent mon accent mesquina. Capitale de la drogue depuis ma TI, le rebeu à la Dali, Condé, Montéo. Trois bâtards dans la Mondéo, trois boucas pas battus en face du télo de police. Parle à ma folie, je me comporte comme un affranchi, comme poli. Habibi, j'ai pas les love à ton nid, je te baisserai pas même si je te trouve assez joli. Ouais, j'ai assez joué, car je suis assez joueur, et maintenant que je gagne, je les regarde échouer. Lucarne, buteux, buteux.